Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, de l'imam Al-Allama Ibn Qudama Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala, cours numéro 1. Alhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنبدأ إن شاء الله تعالى ونسأله عز وجل العون والتوفيق والسداد هذه الدروس في عقيدة أهل السنة والجماعة وتقدم معنا أمس بيان أهمية تعليم وتدريس هذه العقيدة السلفية وأول كتاب ندرسه le premier livre qu'on va étudier إن شاء الله تعالى كتاب لمعة الاعتقاد للإمام العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله وهو كتاب نافع مختصر جيد وهذا الكتاب نحن بعد تجيه سانا بيخسو de العقيدة on va pas détailler dans ce premier livre enfin pour débuter c'est important ce genre de livre t'as un aperçu de العقيدة il cite les مسائل avec des أدلة et comme premier livre انت ça te suffit نرجو من الإخوان أن لا يكثروا من الأسئلة لأن la plupart des questions que vous allez vous poser au départ la réponse elle viendra dans les autres livres فَلَا تَسْتَعْدِلُوا أنتم concentrez-vous sur ce qu'on va voir et nous on ne détaillera pas tout Cheikh Nouataymi rahimahullah dans le champ il ne détaillera pas tout c'est le début, tu as des bases tu auras un aperçu ثُمَّ on détaillera أكثر إِنْشَاءَ فِي الْقَوَعِدِ الْمُتْلَى ce qui est en rapport avec les قَوَعِدِ qu'il a cité au début du livre et par rapport aux صفات aux مسائل متعلقة بالعقيدة on détaillera أكثر في الواسطية ce livre نحن c'est un مدخل c'est une entrée dans العقيدة بإذن الله il est simple on le laisse simple et là الشيخ ابن عثيمين il a cité des مسائل مهمة نحن on se contentera du شرح on rajoutera pas إلا عند الحاجة فهذه الكتب المختصرات لا ينبغي أن نكثر عليها من الحواشي ومن التعليقات لأن ce genre de livre اللمعة الأصول الثلاث tous les premiers livres dans les فنون الأدرومية العلماء المؤلفون ils les ont écrits pour simplifier le fun, la matière فلا ينبغي نحن مثلا لمعة الاعتقاد et on cite des choses من شرح الطحاوية مثلا أو من التدمورية فلا ينبغي تكثر على الطالب لا لأن المسائل vont venir لا شك il va avoir des شبه il faudra répondre il y aura des قواعد لأهل الباطل il faudra répondre لكن chaque chose a sa place أنت أولا t'as un aperçu de cette عقيدة ثم livre après livre بإذن الله tu comprendras des choses que tu ne comprendras pas l'un. Al-Muhim, Talib al-Ilm, là, il ne se précipite pas. Au premier livre, il veut tout savoir. Il veut tout comprendre. Là, comprends, tu as le livre que tu as sous les yeux. Thumma, un deuxième livre, Thumma, un troisième livre, Thumma, un quatrième. Thumma, Al-Muraja'a, Al-Mutala'a. Tu t'arriveras bi'idnillah à un niveau, tu comprendras beaucoup de choses que tu ne comprenais pas au début. On avait expliqué كثيراً المنهجية في طلب العلم لكن هنا مجرد إشارة. ونحن on va lire le شرح de l'imam العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. تعلمون أن الشيخ بن عثيمين إلى ذي شروحات قوية جدا. On a choisi هذا الشرح لأنه il est simple. Il y a des autres شروحات يستفيد منها الطالب. أنت ولو سنو أنفسه الشرح شرح الشيخ العثيمين إن شاء الله أنت pour ta révision pour mieux comprendre le livre tu t'as des autres شروح كشرح الشيخ صالح الفوزان إلى شرح طيب وشروحات أخرى. فنبدأ نقرأ المقدمة. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. هذه اللفظة نتوب إليه ليست ثابتة في خطبة الحاجة. خطبة الحاجة اللي بدون لفظ نتوب إليه. فجاء في الحديث الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. فلفظة ونتوب إليه ليست ثابتة أي في خطبة الحاجة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد. قال الذي ألفه أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله. المقدسي نسبة إلى بيت المقدس أي إلى فلسطين الآن. قال المولود أي لن في شعبان سنة 41 و500. فإلى أبو شيخ الإسلام son époque la génération avant شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال بقرية من أعمال نابلس. قال المتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 بدمشق رحمه الله. فإليني في الشام إلي مغ في الشام رحمه الله. إليني 541 إلي مغ 79 رحمه الله. الإمام ابن قدامة إلى دي زود كتب نافعة منها الروضة ذكرها الشيخ الفوزان في المقدمة روضة الناظر في أصول الفقه. فابن قدامة ثاني إمام في الفقه رحمه الله. كذلك إلى كتاب إلى من سلسلة في الفقه نافعة الكافي والمقنع والمغني كذلك عمدة الفقه. توسع سدي كتب في المذهب الحنبلي إلى دتاي هو هذا المذهب بقوة. فإلى يكخي عمدة الفقه ثم إلى يكخي الكافي ثم إلى يكخي المقنع ثم إلى يكخي المغني. شك كتاب يعني سيون اتاب سوبيريور. مثلا عمدة الفقه سيت ان قول دو الإمام أحمد فقط ثم لو ليفغ سويفون سيت دو قول. المغني سيت لو قول دو الإمام أحمد اي لو قول دي زوت أئمة اي رجح. فإلى فان تخباي عظيم جدا. كذلك من الكتب ذم التأويل كتاب في العقيدة. كذلك إلى كتاب في فضائل الصحابة إلى هذا الكتاب لمعة الاعتقاد. انظر مقدمة الشيخ صالح الفوزان شرح لمعة الاعتقاد إلى ست هذه الكتب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا الكتاب أي اللمعة جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة. الزبدة هي الخلاصة. زبدة العقيدة أي un résumé, un aperçu général de العقيدة. ومن ثم قررت رئاسة المعاهد العلمية دراسته في مطلع القسم الثانوي في المعاهد في السنة الأولى منه ليكون ركيزة يعتمد عليها أو يعتمد عليها في هذه المرحلة. نعم، في المملكة العربية السعودية ils ont choisi ce livre pour les programmes scolaires. القسم الثانوي في المعاهد la première année, السنة الأولى. نعم الكتاب هذا. Ça te montre أن les débutants ils commencent par ce kitab. طيب في العقيدة. Ils commencent par ce kitab. T'as un aperçu général de العقيدة. Chaque مسألة un دليل. ثم tu passes à une étape supérieure. Et يعني si t'as compris هذا الكتاب. Et vous allez voir, il est très simple. وما حصل من الزلات في بعض الأمور سيأتي الشيخ بن عثيمين ينبه عليها. قال ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له. نعم، à l'époque de الشيخ بن عثيمين رحمه الله، الشيخ بن عثيمين s'est aperçu أن الكتاب il avait pas de شرح. Alors que c'est un kitab مهم في العقيدة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله il a décidé d'écrire ce شرح. قال فقد عقدت العزم مستعينا بالله مستلهما منه الصواب في القصد والعمل على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده موارده أي مقاصده. وهكذا celui il veut écrire, il veut donner des دروس, il veut faire الدعوة عموما, il doit avoir ce صفات. Cheikh Ibn Uthaymeen, dès qu'il a voulu écrire son charh, قال فقد عقدت العزم مستعينا بالله. أولا تستعين بالله لأن الله سبحانه وتعالى celui qui t'aide, qui te facilite. الله سبحانه وتعالى il a mis la baraka في هذا الشرح. قال والله أرجو ألا يكلني إلى نفسي طرفة عين وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق وأن يجعل عملي مباركا ونافعا إنه جواد كريم. أما ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهو معروف عندكم من أئمة السنة سامجدد رحمه الله إلى معروف لمشهور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. الشيخ ابن عثيمين إلى من عناية عظيمة pour العقيدة كما تعلمون. Beaucoup de ces دروس qu'il a donné, des livres qu'il a écrit, ça tournait autour de العقيدة. لأن رحمه الله il sait que c'est la base, ou il savait que c'était la base. Et il savait رحمه الله que si ta عقيدة elle est صحيحة, tout ce qui vient après c'est simple, ça suit. فلهذا رحمه الله il a fait un jihad عظيم في التدريس والتأليف والخطابة. Beaucoup les ouvrages du Cheikh Ibn Uthaymeen ça tournait autour de العقيدة رحمه الله. ثم après cette مقدمة il a cité une deuxième مقدمة qu'on va lire الآن et elle est نافعة جدا. Ça fait pas partie du livre اللمعة. Le livre اللمعة il va commencer quelques pages après. قول ابن قدامة الحمد لله المحمود بكل لسان سيأتي. أما الشيخ ابن عثيمين il a décidé de d'écrire cette مقدمة avant de rentrer dans le kitab. ونعم ما فعل. Ça te montre حسن التأليف. Cheikh Ibn Uthaymeen, il sait qu'avant de comprendre certaines choses, tu as besoin de qawa'id. Tu as besoin de comprendre certaines choses. Enfin, il va te citer des règles. Fil asma'i wa sifat, les noms d'Allah et ses attributs. Il va te citer des règles. Si tu les comprends, ayyuha talib, tout ce qu'on va faire, ba'd, ça va être simple, inshallah. Et ces qawa'id, elles sont résumées de son livre. Du livre de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, Al-Qawa'id al-Mutla. Et nous, Al-Qawa'id al-Mutla, Inch'Allah, on le fera après ce livre, après l'Umma'at al-I'tiqad. Maintenant, nous, nastavid, naqra, et on détaillera beaucoup, Inch'Allah, fil Qawa'id al-Mutla. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen les a cités ici, les Anna ibn Qudama, rahimahullah, son livre, une bonne partie du livre, il va nous expliquer Al-Asma wa Sifat, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ça c'est une grosse partie de l'aqida. Ta'lamouna anna l'aqida elle est mabniya ala l'arkan al-sitta. Comme dans le hadith Omar, al-mashhour bi hadith Jibril, anna Jibril sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam al-iman qala an tu'min billah. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه العقيدة المبنية على هذه الأركان الستة للسي فوندمون de la foi, c'est ça العقيدة. Et le premier fondement, le premier pilier, c'est l'iman بالله. وهذا الإيمان بالله, comme on a expliqué plusieurs fois, il se divise en quatre catégories. الإيمان بوجود الله, c'est la croyance qu'Allah est موجود. ثانيا الإيمان بربوبية الله, الإيمان بالربوبية. Ces deux catégories, حتى الكفار اللي reconnaissent. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. Tu reconnais, tu crois, tu as la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui qui gère هذا الكون, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. الربوبية. الثالث, le troisième قسم, الإيمان بالألوهية. Tu as la croyance, tu as une conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite l'adoration seul. Tout ça, on l'a vu في دروس التوحيد. الأصول الثلاث, قواعد أربع, إلى آخره. On avait étudié ces livres avec certains frères. القسم الرابع, الإيمان بالأسماء والصفات. Quatrième catégorie, tu as la croyance, la conviction qu'Allah il a des noms et des attributs. Et sur le démine, الآن, vu que l'aqidah ça tourne beaucoup autour des noms d'Allah et des attributs, ça explique, ça détaille. Sur le démine, avant de rentrer dans le sujet, il te cite des règles que tu dois comprendre. لأن vous allez voir, on a vu الأسماء والصفات حصل خلط وخبط من بعض الناس. لماذا؟ لأن ils ont compris ces noms et ces attributs avec leur passion. Tu trouves بعض الفرق مثلا الأشاعرة, ils ont accepté certains attributs, ils ont rejeté d'autres. Tu trouves الماتريدية, ils ont rajouté. Tu trouves الجهمية, ils ont rejeté tous les noms. Tu trouves المعتزلة, ils croient vos noms, ils rejettent les attributs. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ça, ça vous montre أن vu ces فرق, ces égarés, ils ont compris الأسماء والصفات, ils ont délaissé les قواعد de أهل السنة qui sont fondées sur le Coran والسنة وفهم الصحابة, فإيه se sont égarés. Tu trouves هذا, il comprend comme ça. Un autre, il comprend une deuxième compréhension. Un troisième, il vient avec une troisième compréhension. Il a l'âne. Il a l'âne. Chaque jour, des groupes. Avec une nouvelle compréhension. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, l'âne, il va te citer un manhaj. Une voie. Des qawa'id, des bases, des règles que anta bi'idnillah, tu as besoin pour comprendre هذا العلم. Al-asma wa sifat. Il va citer des règles. Fil asma. Des règles spécifiques pour les noms, des règles pour les attributs et des règles pour les deux. Et on a dit, c'est un résumé de l'Qawaid al-Mutla. Inch'Allah, nous allons l'aqra et on détaillera akhtar fil Qawaid al-Mutla. Qala rahimahullah, Qawaid hamma, hamma ay muhimma, fil asma'i wa sifat. Qala wa qabla al-dukhul fi samim al-kitab, uhibbu an uqaddim Qawaid hamma fima yata'allak bi asma'illah wa sifatih. تستفيد أنت أيها الطالب أن dès que tu veux traiter un sujet, le qadar, le destin, الأسماء والصفات, العقيدة, المنهج, ne te précipite pas à rentrer dans le sujet sans avoir des bases. هذا c'est مهم. حتى quand vous donnez des durus, avant de vous précipiter, tu veux directement lire dans le kitab, là, donne des bases. Donne un aperçu. حتى le طالب, celui qui va lire ou qui va t'écouter, enfin, il sait qu'est-ce qu'il va étudier. Enfin, l'ulama kathira, au début de leur livre, ils citent des muqaddimah, des introductions, ou des règles. Hada, c'est muhim. Nabda, al-qa'idatu al-oula. Qala rahimahullah, al-qa'idatu al-oula. Et c'est une qa'ida muhimma pour les noms et pour les attributs. C'est une qa'ida pour les deux. Thumma, il va citer fil asma et à la fin il va citer fil sifat. Le même tertib qu'il a fait avec Al-Qa'id al-Mutla. Rahimahullah. Qala Al-Qa'idatu al-Ula fil wajib nahu nusus al-kitab wa sunna fi asma'illah wa sifatih. Wa hadhi c'est min aham Al-Qa'id. Comment tu dois réagir Ça va être quoi ta croyance? Elle va être basée sur quoi? Par rapport au nom et aux attributs. Cheikh Ibn Taymiyyah قال الواجب في نصوص الكتاب والسنة ابقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. فهذا أولا. لماذا؟ أولا on explique le calam. Quand tu lis le Coran ou tu lis des hadiths ou t'entends un dalil min kitabillah wa min sunnat rasulihi alayhi salatu wassalam qui a rapport avec les noms et les attributs, la première chose قال شيخ ابن تيمين ابقاء دلالتها على ظاهرها. Tu laisses ce dalil على ظاهره. فمثلا الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن. Allah nous a informé في القرآن qu'il a un وجه. Ils traduisent par visage. فأنت في هذا الحال tu laisses ce dalil على ظاهره. Surtout, tu rentres pas في مسألة التكييف. Comment il est ce visage? Ou est-ce que ce visage ressemble à celui des créatures? Comme un shaitan, il te fait croire que c'est le visage, c'est le même visage que celui d'une créature. Wal'iyadu billah. Là, Allah, il a un visage, il a un visage. Est-ce qu'il est comme celui des créatures? Abadan. Qala azza wa jal, laysa kamithlihi shay. Comment il est? Allahu a'lam. La shak qu'il a un comment, il a une kayfiyya. Lakin anta, c'est pas de ton ressort, hada. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas ordonné de savoir comment il est, son visage, ou ses mains. Fa anta ta'taqid anna Allah il a un visage, il a des mains, il a des noms, il a des attributs. Et ces attributs-là, chaque, ils sont pas comme les attributs des créatures. Et le comment, Allahu a'lam bih. Et tu t'arrêtes huna. Qal min ghayri taghyir. Ay tahrif. Fa matalan al-asha'ira, ils ont rejeté sifat al-yad. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala yaqul bal yadahu mabsutatan. Yadahu mabsutatan. Allah il nous a démontré qu'il a deux mains. Al-Asha'ira, vu qu'ils ont fait passer leur raison et leur passion avant les textes, ça, ils ont conclu anna l'être humain il a une main. Naam, les êtres humains ils ont deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains. Ça, pour eux, ils ont dit là, si on dit qu'Allah il a des mains, ça va ressembler aux mains des créatures. Ça, awwalan, c'est mon qadima, le bâtel, comme ça y a-t-il. Li anna Allah il était avant la créature. Lakin hum, shuf al-dhalal. Ils ont conclu, anna Allah il a deux mains, ses mains ressemblent aux créatures. Alors que Allah il est avant la créature. Bah, pourquoi tu le fais ressembler aux créatures, awwalan? À cause de cette shubha, ils ont conclu. Le Coran il est clair. Allah il a cité les mains. Enfin, comment ils ont fait l'Asha'ira? Ils ont dit les mains, ça veut dire la force. Cheikh Ibn Taymiyyah il te montre là. Qala ibqa dalalatiha ala zahiriha min ghayri taghyir. T'as pas changé. Qui c'est qui t'a informé que les mains c'était bima'na la force? Allah il a montré qu'il a la force. Azza wa jalla. بل من أسمائه القوي. فلي ما سدما حقيقية سدفغما على ظاهرها. Est-ce qu'elles ressemblent aux créatures? لا. Comment elles sont? الله أعلم. شو معناته مين بعد تاي هذا؟ قال لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي. Deuxième chose. الشيخ معناته مين؟ يتمطر أن الله سبحانه وتعالى il a révélé ce Coran avec la langue arabe. Et les sifats, un tas, tu les comprends avec la langue arabe. Une main, c'est une main. Un visage, c'est un visage. Un nuzul, la descente, c'est la descente. Hada. Sans faire ressembler aux créatures. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي. فأنت cette sifat تبقى على ظاهرها. Tu la comprends avec la langue arabe. أما الكيفية, comment elle est? فهذا لا. هذا ليس إليك. قال فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهذا حرام بالإجماع ولا تقف ما ليس لك بعلم. مثلا on reste avec l'exemple des mains. Celui qui prétend مثلا les mains et il nous détaille والعياذ بالله. Il nous dit مثلا les mains d'Allah elles sont كذا elles sont كذا. على الله بلا علم. لماذا؟ لأن هذا كان الشخص il a pas vu Allah, il a pas vu les mains d'Allah, et il a pas vu une chose qui ressemble aux mains d'Allah. Enfin, comment il prétend que les mains d'Allah elles sont كذا? Il parle bila ilm. Qui c'est qui l'a informé? Al Rasoul alayhi salatu salam, il est mu'ayyid bil wahi, et il a pas détaillé ces choses. Fa anta taqif, tu t'arrêtes ou qu'ils soient arrêtés salaf. Si tu dépasses ces limites que Cheikh Mouhamed est en train de citer, c'est les portes de l'égarement. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. فَهَذَا الدِّينِ il a des limites, il a des règles. Tu ne parles pas dans tout. للأسف الكفار ils ont appris كثير من الناس بعد المسلمين تأثروا بهم. Tu donnes ton avis dans tout. T'as un avis. Ce dîn, c'est pas comme ça. Il y a des choses, t'as pas ton avis. Il y a des choses, tu t'arrêtes. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ personne n'a le droit de parler via de l'ilm, illa bima ja'a fil kitab wa sunnah. Fil kitab wa sunnah, on a wajh. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Tu dis Allah, il a un wajh. Comment il est? Tu t'arrêtes. Allahu a'lam. Est-ce qu'il est comme celui des créatures? نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا الظَّلَالِ. Allah يقول لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Et tu t'arrêtes هنا. خلاص. Ta aqidat as-salaf, inshallah. Amma vous allez voir, anna al-falasifa wal-mubtadi'a, ils ont jadal fi hadha. Mais pourquoi, comment ils se sont égarés? Qala rahimahullah, mithal dhalik, aw naqra ma qara'na al-aya. Qala wa huwa haram li qawlihi ta'ala qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal-ithma wal-baghya bi ghayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Tout ça c'est haram. Innama harrama rabbi, thumma Allah subhanahu wa ta'ala il cite al-fawahish, à la fin il a cité wa an taqulu 'ala allah ma la ta'lamun. Ça c'est haram bil ijma', c'est une kabira. C'est que tu dises une chose sur Allah que tu connais pas. Fa anta fi hadha fi hadhihi al-masail, tu parles et t'attribues à Allah ce qu'il a cité dans le Coran et la Sunna. Amma les choses que tu connais pas, ça c'est haram alayk de parler fi hadha. Qala mithal dhalik, al-an il va nous citer un exemple pour résumer cette qaida. Et on l'a cité, مساله اليدين. قال مثال ذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité un de ses attributs. Il a cité Al-Yadan. Allah, il a deux mains. قال شيخ نعيمين فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقتين فيجب إثبات ذلك له. ظاهر الآية الآن, toi, ce qui ressort de ce verset, c'est qu'Allah, il a dit بل يداه. أنت تعقيدة الله إلى دوما. انتبه هنا de pas faire entrer التشبيه أو التمثيل. الشيطان يتوسوس demain c'est forcément comme les mains des créatures. Là أنت tu dois bien savoir et comprendre أن الله سبحانه وتعالى il était avant sa créature. كان الله ولا شيء معه أو وليس شيء معه وكان عرشه على الماء. الله il était et il n'y avait personne معه. C'est l'أول. Pourquoi automatiquement, ils comparent les attributs d'Allah avec les attributs des créatures? C'est l'awwal. Lakin le shaytan. Shaytan, yal'ab wa yatala'ab ma'a uqul ha'oula. Qawluhu haqiqatayn, il est muhim huna. Pourquoi il a spécifié haqiqatayn? Qala rahimahullah, anna lillah yadayn haqiqatayn. Limadha il spécifie haqiqatayn? Pourquoi Cheikh Mouhamed il ne sait pas? Il ne s'est pas arrêté à qawluhu yadayn. Allah il a des mains. Pourquoi il a rajouté haqiqatayn? Naam, naabas. Qui c'est qui rajoute? Limadha il a spécifié haqiqatayn? Naam, lianna ba'd an-nas أثبتوا اليدين لكن ils les ont حرف. Ils ont dit نعم الله il a deux mains, لكن ces deux mains ça veut dire la force. Cheikh Mouhamed il te montre الله il a deux mains. Est-ce qu'elles sont comme celles de la créature ou des créatures? أبدا, لكن c'est des vraies mains. On va voir نحن dans les prochains donos أن les créatures elles-mêmes elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Tu trouves مثلا les mains de l'être humain c'est pas comme ou les êtres humains entre eux, Hada il a des grandes mains, Hada il a des petites mains. Hada peut-être il a quatre doigts, Hada il en a cinq, Hada. Enfin, entre al-makhlouqat, les sifat tartalif. Matalan sifat al-kouwa. Tu trouves des êtres humains, ils ont de la force. Tu trouves d'autres êtres humains, ils ont beaucoup moins de force. Les créatures, hein, kada. Fama ba'alouk bi rabbil alamin. ولله المثل الأعلى. قال فإذا قال قائل المراد بهما القوة، رد على الأشاعرة. الآن شيخ ابن تيمية ندخل الرد على الأشاعرة، لأن il sait très bien رحمه الله أن بعض الناس expliquent اليدين بالقوة. فالآن هو il va rendre عليهم avec une question. Si on te dit أيها المسلم c'est demain c'est la force. قال رحمه الله قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. شيخ ابن تيمية الآن غدا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.